Thank you. Je connais pas les paroles. así, que tiene un chico. Maroon 5. Zéro. Thank you. Essayez de les avertir. Sa provenance, monsieur Spock. De météores, capitaine. Densité forte au manomètre. Détecteur 1, monsieur Farrell. Numéro 6 à 8 d'astéroïdes. Ne le perdez pas. Il va essayer de s'échapper. Si l'un de ces bolides nous atteint, j'ai des données sur le vaisseau, capitaine. Je dirais que c'est un petit navire de transport, un cargo de classe H. Ses régulateurs et ses générateurs ont surchauffé. Essayez des avertis. Je crois qu'il va finir sa vie. Les paupières sont longues.